notre séance. On conserve la notion de professionnalisation en relation avec l'enseignement supérieur. Nous recevons, dans l'ordre de présentation, Pierre Dubois, donc qui est sociologue, Isabelle Claire également, et Annie Kiefer. Je pense que ce soir, nous n'avons que des sociologues. Bon. Voilà, donc je vais commencer par mon petit speech. J'en ai pour quelques minutes de présentation. Donc, sociologue, successivement chercheur CNRS et universitaire, ayant exercé dans différentes universités, Pierre Dubois défend une conception d'une réforme des études supérieures, distinguant nettement un cycle L des deux cycles suivants qu'il entend inscrire dans une perspective de démocratisation de l'enseignement supérieur. Dans cette configuration, le premier cycle d'enseignement supérieur est constitué autour de deux voies aux objectifs de formation différents. Il s'agit d'un côté d'un cycle préparatoire aux études supérieures longues, regroupant master, doctorat et grandes écoles, et de l'autre d'une filière de formation professionnelle conduisant à un emploi en 3 ans, qui correspond donc au niveau des professions intermédiaires et des actuels plutôt, DUT, IUT, etc. Le regroupement projeté de l'ensemble de ces formations de premier cycle au sein d'instituts d'enseignement supérieur, IES, marque une coupure avec l'université qui réitère celle qui s'est opérée au XIXe siècle entre le baccalauréat, premier grade universitaire dont la préparation a été confiée au lycée, et l'université. Je n'en dirai pas plus sur le détail de l'organisation envisagée par Pierre Dubois, de ce dont il va nous entretenir, et qui développe également sur son blog bien connu « Histoire d'université ». Je soulignerai simplement, en guise d'introduction au débat qui suivra, que cette question touche à un principe structurant, à savoir l'articulation de l'enseignement et de la recherche, qui sont les deux facettes qui définissent le métier d'enseignant-chercheur. De ce point de vue, le projet d'IES pourrait faire craindre à certains qu'il se traduise par une secondarisation de l'enseignement supérieur, du moins pour ce qui concerne la licence. Plus généralement, je me demande s'il n'y a pas parfois des mots qui finissent par être en quelque sorte minés par les usages et mésusages réguliers que l'on a pu en faire. On peut ainsi s'interroger sur le fait de savoir si certaines acceptions possibles et inquestionnées de la notion de professionnalisation n'ont pas constitué un facteur aggravant ayant contribué à la transformation du conflit né de ces réformes en une guerre de tranchées. Je veux parler ici de la guerre, le terme est sans doute un peu excessif, que se livrent deux protagonistes. Il s'agit d'un côté du gouvernement et de ceux qui le soutiennent dans son effort de remodeler les universités françaises afin de les rapprocher, pensait-il, des besoins de leurs usagers, partenaires, financeurs, voire donneurs d'ordre et du marché du travail, mais aussi de les rendre visibles à l'international selon la formule consacrée. De l'autre côté se situent les membres de la communauté académique, plus exactement de la partie de cette communauté, sans doute minoritaire mais pas pour autant marginale, qui critique la pression à la marchandisation qui est exercée, selon elle, sur le contenu des formations dispensées comme sur la recherche. De plus en plus appelés à se financer sur des projets finalisés à 3 ans, via l'Agence nationale de la recherche en particulier, on la presse également de s'inscrire dans des thématiques prioritaires et d'obtenir des résultats à court terme et si possible, lorsque les domaines de recherche concernés s'y prêtent, qui puissent donner lieu à des applications économiquement rentables. Cette orientation étroitement utilitaire de l'activité scientifique donne l'impression, à tort ou à raison, de n'avoir aucune limite et de devoir s'imposer peu ou prou à tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et à toutes les disciplines, sous l'influence des réformes de structure en cours menées sous la houlette, entre autres, du nouveau management public et de la stratégie nationale de la recherche et innovation. Appréhender sous ce jour la professionnalisation comme concept peut être alors vu comme un cheval de Troie qui tente à transformer les universités en entreprises vendant de la connaissance, faisant de celle-ci un bien marchand comme un autre, l'ajustant au plus près des attentes du marché du travail et des entreprises, et évaluant à cette seule aune la qualité et l'intérêt de ce qui se fait dans leurs murs. Y a-t-il une façon de réformer qui puisse respecter deux impératifs parfois difficiles à concilier entre eux ? Je veux parler tout d'abord des conditions d'une réforme qui se ferait sans inquiéter, outre mesure, les principaux intéressés et respecterait les missions, savoir, savoir-faire, et formes de relations sociales qui forment la culture professionnelle du milieu concerné et organisent l'expérience vécue de ses membres. En second lieu, il s'agirait d'un processus qui s'efforcerait de concilier les points de vue et attentes parfois divergentes des chercheurs et enseignants-chercheurs et ceux des usagers et partenaires extérieurs de l'université. C'est un peu la question qui, à mon sens, se pose en filigrane à tous les projets de réforme qui touchent à l'enseignement supérieur et à la recherche. En proposant un projet ambitieux, l'initiative de Pierre Dubois offre une tentative de dépassement à la confrontation stérile, la guerre de tranchées donc, et par là même un retour à la guerre de mouvement entre les réformateurs gouvernementaux et la communauté académique qui s'oppose aux mesures décidées et imposées par les premiers. Une réforme qui, en outre, laisse de côté un certain nombre d'enjeux qui comptent pour les acteurs de ces secteurs d'activité, à commencer par les conditions de travail en situation de sous-effectif chronique, mal compensées par une armée croissante d'emplois précaires. Les laissés pour compte de la recherche et de l'enseignement supérieur public sont précisément au cœur de l'étude conduite par un groupe de sociologues, démographes et statisticiens dont nous recevons deux représentants, donc par ordre alphabétique, Isabelle Claire et Annick Kiefer, à l'occasion de la prochaine parution d'un ouvrage consacré à l'enquête sur la précarité de l'enseignement supérieur et la recherche qui s'est déroulée au cours de l'hiver 2009-2010. Pour illustrer mon propos précédent sur les enjeux oubliés, entre guillemets, il importe de rappeler que cette enquête a été conduite à l'initiative, outre le groupe de chercheurs impliqués, non pas des organismes de recherche ni du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni de la CPU, mais de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur et la recherche. En se focalisant sur les coulisses des réformes, soit la situation des personnels non statutaires de la recherche, cette étude livre un éclairage sur les coulisses de ce milieu, docteurs, chercheurs, enseignants, mais aussi ITA. Toute catégorie de personnel en contrat temporaire dont la situation forme un préoccupant contrepoint au communiqué triomphant et tonitruant du ministère et du gouvernement sur les efforts budgétaires sans précédent, aujourd'hui même un point de vue de Valérie Pécresse dans Le Monde, qui ont été consacrés, selon eux, à ce secteur par les pouvoirs publics. Il conviendrait sans doute d'ajouter à ce qui précède l'absence de prise en compte, dans une démarche corrective, des évaluations qui ont été faites sur les effets négatifs de la politique sectorielle. L'échec du plan réussite en licence en est un exemple. Il convient toutefois de signaler l'exception que constitue peut-être, mais de ce point de vue, l'association Reconstruire l'école n'est pas, ne partage pas cet optimisme. La réforme de la formation des enseignants, que les pouvoirs publics s'apprêtent à réformer une nouvelle fois au bout d'un an d'application. De mauvaise grâce, semble-t-il, après maintes mises en garde et critiques pourtant délivrées bien avant la mise en œuvre de cette mesure et dont il n'a été tenu, bien sûr, bien entendu, aucun compte. Après ce rapide tour d'horizon, et sans plus tarder, je cède la parole à notre premier intervenant, Pierre Dubois.